danse, c'est la danse des dinos. C'est la danse, c'est la danse, c'est la danse des dinos. Un bras en avant, un bras en arrière. Les deux pieds sur terre et la queue en l'air. Danse, danse, dinosaure. C'est toi le plus fort. Youpi! Danse, danse, dinosaure. Tu danses toute la nuit, mais attention aux météores. Danse, danse, dinosaure. C'est toi le plus fort. Youpi! Danse, danse, dinosaure. Tu danses toute la nuit, mais attention aux météores. Le dinosaure. Alors comment on fait? Vas-y! Un bras en avant, un bras en arrière. Les deux pieds sur terre et la queue en l'air. Danse, danse, dinosaure. C'est toi le plus fort.